بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فأجردوي لويت دي مود ربيع الأول دلاني 1442 أبقى الهجرة دي نتر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وطمو لو ستيم كور دي نتر سيري دي كور concernant le commentaire du livre الأصول الثلاثة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. Comme à notre habitude, nous allons commencer par quelques questions pour réviser le cours précédent. On avait évoqué dans le cours précédent le sens de l'inaba, qui faisait partie des sortes d'adoration évoquées par Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le livre, dans Al-Matn. Qu'est-ce que l'inaba? Mahdi, tafadhal. Une sorte de repentir. Quelque chose de plus précis que le repentir. Ça nous amène à poser une question qui est: quelles sont les conditions du repentir, at-tawba? On a dit que al-inaba, c'était une sorte précise ou plus précise de repentir. Qu'est-ce que, ou quelles sont les conditions, pardon, de at-tawba, du repentir? Kamel, tafadhal. Ahsant, en français s'il te plaît. Le regret, la détermination à ne plus y revenir et le fait de cesser le péché. Ahsant. Et on avait dit donc, comme al-inaba, c'était une sorte de tawba, une sorte de repentir plus précise donc que tawba, que le repentir, les savants ont rajouté une condition. Qu'est-ce que tu fais? Le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsant. D'aller vers Allah Azza wa Jal dans les adorations, c'est-à-dire al-inaba, il y a ce sens d'œuvrer en plus de cela, c'est-à-dire faire se repentir avec ces trois conditions, puis d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ahsant. On avait parlé de al-istighatha wa al-isti'ana, c'est-à-dire chacun d'entre eux, al-istighatha, yahmadou. Ahsan, talab al-ghawt. En français, s'il te plaît. Ahsan, la demande de secours. C'est-à-dire, c'est la demande d'aide à un moment de difficulté. Ahsan. Et l'isti'ana, c'est la demande d'aide, simplement. La demande d'aide, ahsan, talab al-ghawt. On avait dit que ces deux qui se prononcent al-isti'ana ou al-isti'atha sont des formes d'adoration ou des sortes d'adoration, comme évoqué dans al-matn, dans le livre, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et nous avions évoqué que, comme ceux-ci sont des sortes d'adoration, elles ne doivent être vouées que à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de les vouer à autre qu'Allah azza wa jal est donc du shirk, du polythéisme. Mais il était permis de demander le secours, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle l'isti'ana, de demander pardon, l'aide, c'est-à-dire l'isti'ana, ou de demander le secours à l'isti'ata, à une créature. Ceci sous trois conditions. Quelles sont ces trois conditions? Mahdi, fadda. Ahsant, que la personne soit vivante, présente et en capacité de t'aider ou de te venir en secours. Si tu demandes, on va le tourner de l'autre manière, si une personne demande le secours à l'istirata, une personne est en train de se noyer et demande le secours à quelqu'un qui est vivant, mais qui n'est pas présent, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce que cela? Le hukm, la sentence, shirk, ahsant, c'est de l'association. Et nous le voyons cela chez, généralement, comme on l'a évoqué, as-soufiya, ahsant fawazi, chez as-soufiya. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup les adeptes des voies soufis qui demandent l'aide à leur cheikh, le cheikh de la tariqa, alors que ce dernier se trouve à des milliers de kilomètres. On avait évoqué aussi le sens de al-la'n, qui est la malédiction. Le sens de al-la'n, lorsque Cheikh l'Islam, dans Al-Matn, évoque le hadith rapporté par Ali, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La'an Allahu man zabaha li ghayrillah » qu'Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. On avait évoqué le sens de al-la'n. Quel est son sens? Abdallah Tfaddal. Ahsant en français. Ahsant. Ceci, sans condition, Tfaddal Kamal. Ahsant. Ceci est al-la'n lorsqu'il vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc celui évoqué dans le hadith. La'an Allahu man zabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. On a dit que al-la'n, lorsque ça vient d'Allah Azza wa Jalla, c'est donc la malédiction d'Allah Azza wa Jal, c'est At-Tard wal-Ib'ad an rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Le fait d'écarter, d'éloigner celui qui est maudit de sa miséricorde, de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Al-La'n vient de la créature, du serviteur, quel est son sens? Le fait d'invoquer Ad-Du'a contre la personne, Ahsan Fawazi, on a dit le fait d'invoquer, c'est Ad-Du'a. Quand la personne a une deuxième chose, Kamel, l'insulte. Ahsan, on a dit c'est le fait, lorsque le serviteur, on dit un tel a maudit un tel. Une personne a maudit une autre personne. Cela n'est pas le fait que cette personne, lorsqu'il le maudit, il éloigne l'autre personne qui est maudite de la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal. Plutôt, lorsque ça vient du serviteur, c'est un du'a contre lui, une invocation contre lui ou une insulte. Une dernière question, on avait évoqué une sorte d'adoration qui était un nadr. Qu'est-ce que un nadr? Déjà, la manière dont on a de le traduire approximativement en français, et en général ou en gros, qu'est-ce que un nadr? Qu'est-ce que vous dites, Fadda? Un nadr, c'est le fait de s'imposer une obligation. Ahsan. Ahsant. Ça c'est la définition. Mais la Abdelhamid dit moi le vœu pieux. C'est comme ça qu'il le traduit généralement. Le vœu pieux, le fait de vouer un acte d'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc un nadr, lorsqu'il veut pour Allah Azza wa Jal, ceci est une forme d'adoration. Donc c'est le fait, comme l'a dit Kenzi, de s'imposer une chose que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas imposé, de s'imposer à soi-même une chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne t'a pas imposé. Et comment cela se manifeste généralement, par exemple une forme de nadr, par exemple un exemple. Par exemple le fait de dire par exemple. Ahsan. Si il m'arrive telle chose, je jeûne, je voue à Allah Azza wa Jalla un jeûne de tant de jours. Si le fait de s'imposer de dire si, oh Allah, si tu guéris telle personne de ma famille qui est malade, je jeûnerai pour toi 3 jours. Ceci est ce qu'on appelle un nadr. Et un nadr, nous avions détaillé à son sujet. Et nous allons nous arrêter ici pour la révision.